Ok, c'est Kawan à la croix. Beatmaker and Pool. Celle-ci. Celle-ci c'est pour tous les anciens, les jeunes de toute façon n'écouteront pas mon rap, comprennent plus rien, ils ont perdu le cap. Hormis certains certes, mais vite les taux se rétractent. J'ai eu tort de croire en l'homme puisqu'il joue sa vie aux cartes. Souvent ce blues revient mais tranquille, cool. Je ne détiens aucune science, aucune divinité. Seulement souvent je pense à quoi bon lutter puisqu'on est pauvre en harmonique. La haine n'éprouve aucun répit, que les lois divines ne s'associent à aucun képi. Voyant tous ces païens sans dieu mais traîtres, analyste comportemental, j'ai la maîtrise anti multinational, gouvernemental, j'ai la devise d'exprimer ce que je ressens et j'improvise chaque jour pour préserver mes sentiments, mes quelques sentiments poche et quelques ressentiments moches. J'arrive à rêver éveillé du bien-être de mes proches. Chante pas la vie, non je la décris. Sur simple mélodie me donne ce mélodie. Se mêlant à mes rêves me fait douter de mes acquis. À qui la faute, je sais pas, mais je doute du retour de l'argent. Chante pas la vie, non je la décris. Sur simple mélodie me donne ce mélodie. Se mêlant à mes rêves me fait douter de mes acquis. À qui la faute, je sais pas, mais je doute du regard de l'armée. Pas là pour me plaindre, mais est-ce ma faute si la complainte. Tu mêles les tristes, tu sais, je compatis l'ami. Si tu la trouves jolie notre vie, t'as rien compris. Mais t'es pas le seul, tous ces salauds l'emporteront pas au paradis. Ils passeront même pas le seuil, poussé dans l'immortelle tragédie. Et arrête de me parler d'argent, mais comment dire. Tu vois le soleil brille mais brûle, tu m'as suivi sans commentaire. Que deviennent tes biens matériels lorsqu'on t'enterre. T'as rien d'un martyr, arrête. Encore une illusion envoyée par tes satires satanistes. Ils procédèrent savamment afin de te laisser dans ton ignorance. Et ça a l'air de marcher pour le moment. T'es rentré dans la danse, a fait leur classe, suivi leur mode, leur pseudo-classe. Tiens prends cette claque et casse-toi pour découvrir l'envers du décor. Entre nous et le mot homme grand et l'écart. Mais pour devenir ce dernier encore plus grand et l'effort. Chante pas la vie, non je la décris. Sur simple mélodie me donne ce mélodie. Se mêlant à mes rêves me fait douter de mes acquis. À qui la faute, je sais pas, mais je doute du retour de l'argent. Chante pas la vie, non je la décris. Sur simple mélodie me donne ce mélodie. Se mêlant à mes rêves me fait douter de mes acquis. À qui la faute, je sais pas, mais je doute du retour de l'harmonie. En conclusion, y'a pas de conclusion, aucune morale à ce texte. Ce n'est qu'un corps de récit, un coup qui vacille, un caillou dans la roche, un petit frère de gavroche. Un peu de sincérité pour ta ganache, des bouts de moi-même en panache. Un morceau de vie en carafe, quatre refrains et trois paragraphes. De tout ce dossier, juste une pauvre agrafe. Tout ça pour dire que chacun voit midi à sa porte. Mais on a tous la même clé pour l'ouvrir. Qu'aucun homme ne peut être chef et qu'aucun ne devrait être chèvre. Que la patience et la vertu valent bien plus cher que n'importe quel compte bancaire. Que c'est ta faute, la leur, la mienne si c'est bancal. Que du chemin on est hors piste, faut qu'on décale. Nul coup d'éclat ne pourra casser ma foi envers la vérité. Sachant d'avance que pour la trouver c'est pas gagné. Donc je continue, analyse notre pseudo-humanité. Chante pas la vie, non je la décris. Sur simple mélodie me donne ce mélodie. Se mêlant à mes rêves me fait douter de mes acquis. À qui la faute, je sais pas, mais je doute du retour de l'argent. Chante pas la vie, non je la décris. Sur simple mélodie me donne ce mélodie. Se mêlant à mes rêves me fait douter de mes acquis. À qui la faute, je sais pas, mais je doute du retour de l'argent. Chante pas la vie, non je la décris. Sur simple mélodie me donne ce mélodie. Se mêlant à mes rêves me fait douter de mes acquis. À qui la faute, je sais pas, mais je doute du retour de l'argent. Chante pas la vie, non je la décris. Sur simple mélodie me donne ce mélodie. Se mêlant à mes rêves me fait douter de mes acquis. À qui la faute, je sais pas, mais je doute du retour de l'harmonie.